Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Et ce soir, je vais avoir le plaisir de recevoir Audrey Carreau qui est déjà avec moi en studio. Bonsoir, Audrey. Allô, Jean-Thiam. Audrey, de quoi tu vas nous parler? Bien, ce soir, j'avais envie de vous parler de films en arts visuels qu'on peut trouver sur le site de l'ONF. On oublie souvent, mais c'est une véritable mine d'or, le site de l'ONF, et la majorité du temps, c'est même gratuit. Alors, je vais vous présenter quelques suggestions à vous faire ce soir. Très, très hâte d'entendre ça. Et ensuite, on va recevoir l'artiste Marie-Fauve Bélanger, qui présente une exposition qui s'intitule « Les erratiques » à la Bibliothèque Gabriel-Leroy. Marie-Fauve est une sculpteur et elle explore différents matériaux de différentes couleurs, de différentes transparences dans cette exposition-là. Et on va aussi en apprendre un peu plus sur qu'est-ce que c'est que les erratiques. C'est une notion là, de géologie. Et on va apprendre également à découvrir l'artiste et son univers au cours de cette entrevue. Et en fin d'émission, c'est Myriam Dufour qui va venir nous parler de l'exposition « Quelque part » qui est présentée à Espace Parenthèse en ce moment. C'est une exposition qui rejoint les univers des jeunes artistes Alfia Jonca et Sophie Lozé à partir d'installations de photographies. Une exposition très, très minimaliste. J'ai bien hâte d'entendre ce que Myriam Dufour a pensé de cette exposition. Mais pour l'instant, on va partir pour une petite pause musicale avec la proposition de Simon Roy cette semaine qui nous présente un album compilation. Comme une oreille explore la souterraine. La souterraine, c'est une oreille sur la production musicale autonome et francophone depuis 2014 qui édite des compilations et met en valeur des propositions alternatives. Donc, on va commencer par la pièce « Moissonner » de Gisèle Pape. Jaloux soleil contre amour envieux, soleil masqué par une face blêmie qui par trois jours a retenu mamie. Seul au logis par un temps pluvieux, je ne crois plus tant d'amour que les vieux chante de toi, ce n'est que poésie. Si le jadis touchait ta fantaisie, d'un même mal tu serais soucieux. Par tes rayons à la pointe cornue, en ma faveur, eussent rompu la nuit, faisant obscur un temps serein et beau. Va te cacher, vieille pastoure au champêtre, tu n'es pas digne au ciel d'être un flambeau, mais un bouvier qui mène les peupêtres. Bonsoir, Audrey Carreau. Hey, salut, Jean-Thiane. Donc, on a des petits ajustements à faire au niveau de la proposition musicale, mais on y arrive. Certainement, la radio on se débrouille. Est un beau médium pour ça, vivre le direct. Alors, Audrey, tu nous disais que tu as exploré la plateforme de visionnement de l'ONF et tu nous as sélectionné quelques propositions qui touche aux arts visuels, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, c'est le petit côté historienne de l'art en moi qui ressort. J'avais envie de délaisser un peu l'actualité en arts visuels pour faire vraiment une proposition, parce qu'on oublie souvent que le site de l'ONF, qui est l'Office national du film, donc, est un organisme qui existe depuis plus de 75 ans maintenant et qui est vraiment une véritable mine d'or en tout genre de films, que ce soit documentaire, court-métrage, animation, etc. Et il y a aussi un vaste choix de documentaires, de portraits aussi, d'artistes, de films aussi qui nous font réfléchir par rapport à l'art qui est disponible. Et comme je disais tout à l'heure d'entrée de jeu, bien souvent ces choses-là sont gratuites. Donc on peut visionner ça gratuitement, puis c'est vraiment très, très intéressant pour nous amener par exemple dans des archives, parce que là, dans les propositions que j'ai envie de vous faire ce soir, on retourne jusqu'en 1944, le premier que je voulais vous présenter. C'est vraiment super intéressant, hein? Parce qu'en même temps aussi, pour les amateurs de cinéma, ben il y a également aussi toute l'évolution en matière de manière de tourner, de tournage, hein, si oui, on peut dire. Oui, tous les styles cinématographiques du documentaire. Mais l'ONF a été le fer de lance de ce qu'on appelle le cinéma direct aussi. Tout à fait, donc, c'est ça. Il y a vraiment une... On peut suivre l'histoire du style documentaire en cinéma en regardant les films sur l'ONF. Ben voilà, fait que c'est super intéressant. Puis justement, la première proposition que j'avais envie de vous faire ce soir, c'est... ça s'intitule « Sept peintres du Québec », un film de Graham McInnes de 1944, justement, qui est un documentaire sur les plus grands peintres de cette époque-là. Donc, on découvre Suzor Côté, Clarence Gagnon, Marc-Aurel Fortin, Alfred Pellan, Henri Masson, Jean-Paul Lemieux et André Bieler. Donc, tous des artistes que si vous allez au Musée national des beaux-arts du Québec, vous allez croiser une œuvre à quelque part dans les salles de la collection permanente. C'est extrêmement intéressant de voir ça parce que chacun, finalement, dans ces 17 minutes-là, c'est très court, mais reste que c'est très narratif. Donc, un narrateur nous parle et nous présente ces artistes-là, mais on les voit vraiment dans leur contexte de création, que ce soit à l'extérieur, dans leur atelier ou bien même des enseignants comme le mieux, on le voit à l'œuvre en train d'enseigner à l'École des beaux-arts de Québec ici. Donc, c'est super intéressant, bien que ce soit très, très didactique dans le ton. Oui, il y avait une narration avec la musique aussi. Souvent, exact. Ça nous fait un peu rire, les vieux documentaires. Ben moi, j'adore pour ça. Ça vient vraiment chercher mon petit cœur d'amateur d'archives, vraiment de voir aussi tout ce côté, aussi le montage, comment c'est fait, la musique qui est très des années 40 aussi. Mais ce qui était intéressant dans ce documentaire-là aussi, c'est des fois les petites perles qu'on y découvre. Par exemple, on voit Marc-Aurel Fortin qui est en train d'aller peindre des aquarelles en extérieur. On le voit embarqué sur son vélo, ben il y a une grosse craque dans son pantalon. C'est des petits bijoux comme ça que si on est attentif, on voit ça, mais c'est surtout intéressant de les voir dans leur moment de vraiment d'atelier, de création, bien que ça peut avoir l'air un petit peu des fois orchestré. Ben oui, ça prend de la mise en scène parce que l'équipement pour tourner à l'époque était massif. Ben oui, puis en même temps, ça reste que quand même, c'est très intéressant pour avoir une belle introduction pour après ça aller apprécier les œuvres qu'on peut voir au musée, oui. Par exemple, aussi. Donc, je vous le conseille à voir 17 minutes seulement. Là. Par la suite, un autre documentaire, un court-métrage ou documentaire que j'avais vu à l'époque quand j'étais étudiante à l'université et que je trouve magnifique, qui nous amène vraiment en 1954, artiste à Montréal. C'est, en fait, on découvre le mouvement automatiste et toute cette effervescence qu'il y avait aussi à cette époque-là dans le milieu des arts. On est post-refus global, post-manifeste Prisme Dieu aussi, qu'on a beaucoup oublié à cause du manifeste automatiste, mais qui montre comment l'artiste cherche une grande liberté à se détacher du carcan habituel de l'école, des beaux-arts et tout. Bref, on découvre non seulement les automatistes qu'on pense à Bordua, on voit Jean-Paul Mousseau aussi, mais on découvre un Armand Vaillancourt en train de sculpter l'arbre de la rue du Rocher. Vous savez, au Musée national des beaux-arts, cet arbre qui est dans le pavillon de l'ancienne prison qui est là. C'est une œuvre majeure de l'art public au Québec. Tout à fait. Ben, on voit le jeune Armand Vaillancourt en train de sculpter, oui, exactement, en bedaine, en train de sculpter son arbre là. Encore une fois, on est... Puis aussi, on découvre aussi les lieux fréquentés par ces jeunes artistes de l'époque, le Café de l'Échourie qui a été si important dans le milieu artistique de cette époque-là où les fois les artistes en art visuel, mais aussi des poètes, des écrivains se rencontraient pour discuter un peu. On est dans le côté très parisien aussi de l'artiste, hein, dans ce genre de café-là. Donc, ça nous amène à découvrir... Oui, l'effervescence artistique des années 50 à Montréal. Donc, un documentaire vraiment à découvrir, très sympathique. Encore une fois, on est un peu dans le ton didactique où c'est un narrateur, mais un narrateur qui est parfois présent, avec son micro. Pose des questions, justement, dans ce café où il va à la rencontre des artistes. C'est intéressant, c'est plus dynamique que le film d'avant. Là. Oui, c'est ça. Puis en même temps aussi, des fois, on entend les artistes s'exprimer aussi. Ça, c'est intéressant. Et on va par la suite aussi même découvrir les maisons de certains de ces artistes-là et un lieu aussi, Place des Arts, mais pas Place des Arts comme on le connaît à Montréal aujourd'hui. aujourd'hui, mais un bâtiment désaffecté qui avait été investi par toutes sortes d'artistes à l'époque, donc qui a été détruit par la suite, mais qui est finalement une institution dans le milieu de l'art moderne au Québec, finalement, qui a été un lieu très important où Robert Roussil était là aussi, mm-hmm. et plein d'autres artistes ont investi. Donc, vraiment un documentaire de Jean Parlardi à voir, artiste à Montréal. Donc, c'est une trentaine de minutes, celui-là. Un 30 minutes, mm-hmm. exactement. Sinon, aussi, dans les portraits, on en découvre beaucoup. Je ne peux pas toutes vous les énumérer, mais je peux quand même vous dire, bon, bien sûr, des portraits sur Pellan, Borduas, Riopelle, Marcel Ferron, la grande dame aussi, oui. de l'art moderne, Marcel Barbeau, qu'on a vu tout récemment. Mais il y en a un que je voulais vous évoquer ici dans la chronique, c'est Arthur Villeneuve, un artiste dont vous avez peut-être jamais entendu parler, mm-hmm. mais qui est vraiment un artiste magnifique, un artiste naïf du Saguenay. À vrai dire, c'est un peintre barbier. On le connaît sous ce nom-là parce que avant de devenir artiste, Arthur Villeneuve était barbier pendant 34 ans et dans la cinquantaine, vers 53 ans, il décide qu'il veut devenir peintre. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un peintre naïf, donc mm-hmm. Vraiment, mais qui va commencer à peindre sur les murs de sa maison. Et de fil en aiguille, plus ça avance, ben plus il recouvre les murs de la maison et finalement, il a pris la maison en entier qu'il va peindre au complet. Donc, la maison est devenue, à son époque, vraiment un musée en soi que les gens allaient visiter. Et c'est drôle parce que ce film de 16 minutes qui date de 1964 nous amène à découvrir cette maison-là. C'est la femme d'Arthur Villeneuve qui est là, on commence avec ça, qui présente à des visiteurs qui se déplacent chez eux. Donc, elle fait une visite, finalement, on les suit. Puis c'est drôle de voir comment c'est ça. Oui, c'est un musée, pas à ciel ouvert, mais vraiment un musée en soi, puis que ça devait être extrêmement particulier de vivre là. Puis c'est ce que j'ai trouvé aussi intéressant de ce documentaire-là, c'est que à la fois, on voit la grande passion de cet artiste qui faisait un autre métier avant, mais qui finalement a trouvé sa voie avec la peinture. C'est vraiment là, on le sent, où il s'exprime, puis qu'il est la personne très profonde au fond de lui, qu'il est l'être qu'il veut être. Et on voit en contrepoint son épouse qui, elle, doit un peu vivre avec... Oui, qui roule les yeux au ciel, peut-être. Là. Mais, oui, mais qui doit vivre dans ce contexte qui est pas normal, si je peux mettre en grand guillemets, là, un mari qui décide d'abandonner un peu son métier pour devenir peintre dans la cinquantaine, mais surtout qui envahit son univers de vie. Là, on se rappelle, on est en 64, donc la femme est la maîtresse de la maison. Oui. Puis elle est comme, ben oui, mais là, il faut que j'abandonne mes pâtés au saumon parce qu'il y a du monde qui veut venir visiter, fait que je mets une nappe par-dessus. Puis vous voyez, fait que c'est drôle aussi, cette espèce de confrontation entre la femme qui se sent un peu prise et un peu dans son univers domestique. Versus l'homme qui, lui, ne veut que vivre sa passion et cette grande liberté qu'il a toujours souhaité. Bref, c'est vraiment intéressant à découvrir. Puis si vous allez justement au Saguenay, à la pulperie de Chicoutimi, sa maison est conservée à la pulperie, donc on peut toujours voir aussi là-bas. Donc, un artiste à découvrir, si vous n'avez jamais entendu parler de lui. Ben, moi, j'avais jamais entendu parler d'Arthur Villeneuve. Puis c'est intéressant parce que ça arrive souvent que c'est pratique indiscipliné, c'est des pratiques qui justement vont comme construire un univers plus grand que nature autour de la maison, dans la maison de l'artiste. Là. Oui, tout à fait. Puis c'est quand même un cas assez particulier, assez unique aussi d'investissement artistique là aussi. Autant il a fait des œuvres, de nombreuses œuvres sur toile, reste un monument cette maison là, puis qu'on a encore la chance aussi de voir à Chicoutimi. Alors, il y a aussi un autre, là on se plonge dans les années 70 où les artistes, on remet en question le rôle de l'artiste dans la société. Oui. Et c'est un documentaire assez intéressant où c'est une discussion de groupe qu'on filme, où on retrouve toutes sortes de gens, d'artistes, mais élargis. Donc oui, des peintres, des sculpteurs, des graveurs, mais on retrouve aussi des architectes, des designers, des concepteurs qui finalement se questionnent sur quelle est la place de l'artiste dans la société. Et ce que j'ai trouvé pertinent, bien que on est dans les années 70, il y a encore des questionnements très d'actualité aussi, je trouve, par rapport à ça. On parle du rapport de l'art et de la vie. Également, on aborde le rôle de l'artiste sous différents aspects sociaux, artistiques, politiques et autres. Est-ce que l'artiste devrait être un activiste, un contestataire? Comment son art devrait-il s'engager finalement ou doit-il s'engager aussi? Et à l'époque, on était vraiment dans une pleine effervescence, puis il y avait beaucoup de, justement, d'artistes qui s'engageaient dans des causes beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui, bien là, avec tous les mouvements sociaux, la révolution tranquille, le mouvement syndicaliste aussi. Donc ça, on le sent très présent aussi là-dedans. Puis en même temps, j'ai trouvé ça pertinent quand je l'ai réécouté, comment on parle aussi que l'artiste doit avoir une position d'avant-garde, une avant-garde sur la société, puis qui fait que des fois, son travail peut être pas toujours compris sur le moment, mais aussi que l'artiste peut être déçu de la non-réception ou du frein qu'on impose à ses idées aussi. Mais d'autres disent, oui, mais ça va venir, il faut être patient. Oui, on est en avance, mais bref, c'est vraiment super intéressant comme documentaire. Allez l'écouter si ces questions-là vous touche. Et peut-être évoquer aussi un autre grand documentaire de Manon Barbeau, la fille de Marcel Barbeau, qui serait un très beau prélude à la lecture de La femme qui fuit avec sa fille Anaïs Barbeau-Lavalette. Et vraiment, c'est Les enfants du refus global, donc qui est un documentaire vraiment très personnel. Très touchant, mais en même temps qu'il faut regarder avec un esprit critique, parce que Manon Barbeau se questionne sur la place qu'ont eu les enfants aujourd'hui. Bien, pas la place, mais sur qu'est-ce qu'il en revient des enfants de ces artistes qui ont milité pour les idées qu'ils défendaient dans une société extrêmement conservatrice, donc du refus global qui date, comme je le rappelais, de 1948. Ça n'a pas été facile pour nombre de ces enfants-là, mais d'autres ont réussi quand même à bien jongler. Donc, on suit le parcours un peu de plusieurs de ces enfants-là, dont justement Catherine Mousseau, la célèbre comédienne qu'on a vue dans plusieurs téléséries québécoises, qui, elle, semble avoir moins mal pris que d'autres, si on peut dire. Mais quand même, c'est une réflexion très intéressante, je trouve. Puis quand je dis prélude au roman de sa fille, Anaïs, ben c'est parce que Manon se questionne sur son identité, à savoir, mais ma mère, elle est où dans tout ça? Comment elle a cheminé? Donc, ces réflexions-là, je trouve, font bien écho avec le livre de sa fille qui parle justement de Suzanne Meloche, la première femme de Marcel Barbeau. Donc, qui a finalement, les deux ont finalement placé leurs enfants et ont décidé de vivre leur passion pour l'art. Donc, c'est intéressant de voir aussi, d'avoir ce regard-là qui est très touchant, mais difficile aussi à entendre, mais qu'il faut prendre avec aussi un certain recul, un questionnement aussi, fait à voir gratuitement sur l'ONF. Est-ce que tu avais d'autres propositions que tu nous avais préparées, Audrey? Peut-être très rapidement. On peut continuer jusqu'à la pause publicitaire, puis on va recevoir Marie Fauve après. Ben c'est parfait. J'en avais juste deux autres à vous souligner. Un que moi m'a fait extrêmement sourire, un autre artiste que peut-être vous connaissez moins, mais qui est tant qu'à moi, un des artistes très importants au Québec, Jean-Jules Soucy, un artiste du Saguenay. Oui, un artiste du Saguenay. Exact, mais qui est un grand rigolo. Pour ceux qui connaissent BGL, ben, vous allez voir que c'est comme une sorte de père spirituel, tant qu'à moi, pour BGL, Jean-Jules Soucy. Et ce documentaire qui s'appelle « L'art n'est point sans souci », qui est quand même un documentaire assez considérable, de presque 53 minutes ici, nous fait découvrir cet artiste-là à un moment où il fait de gros projets, notamment pour le Musée d'art contemporain, le tapis stressé ou la Voie lactée, appelez-le comme vous le voulez, mais où il fait participer les gens de sa localité. C'est un grand farceur, un grand joueur de tours, de mots aussi, qui a beaucoup de jeux de mots dans son approche, qui, moi, m'évoque, oui, des artistes comme ça, contemporains d'aujourd'hui, comme un BGL, qui sont des pères spirituels, mais qui portent toujours un regard sur notre rapport aussi à l'environnement. Absolument, vraiment très sympathique comme documentaire. Et sinon, un à conseiller, mais qui est payant cette fois-ci, c'est un partenariat que l'ONF a avec avec un diffuseur, et c'est Marina Abramović. Là, on lâche le Québec pour aller vers une grande artiste internationale, la grande dame de la performance dans le monde de l'art contemporain. C'est un documentaire qui s'appelle « En présence de l'artiste » et ça nous fait découvrir le parcours de l'artiste jusqu'à son exposition, sa grande exposition rétrospective en 2010 au Museum of Modern Art de New York, où elle a été en performance tout le long de son exposition. Elle était assise sur place. Immobile. Et elle rencontrait des gens qui venaient s'asseoir devant elle pour tout simplement partager un regard, partager un moment avec elle. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on suit un peu, on revoit un peu son parcours, mais on la suit, elle, on la voit pendant l'élaboration de ça. Et il y a un grand moment où elle rencontre son ancien partenaire de performance, Ulé, qui a été aussi son amoureux dans la vie, qui m'a énormément touchée. Il ne s'était pas vu depuis des années. C'est un moment très, très touchant. Là. Jamais revu depuis leur séparation. Mm-hmm. Et puis, c'était la première fois qu'ils se revoyaient. C'est extrêmement touchant, ce moment-là. Là. Mais bref, pour découvrir une des grandes figures de l'art contemporain d'aujourd'hui, allez voir ce documentaire. C'est pas très dispendieux, là, la location sur l'ONF. Mais bon, enfin, à découvrir. C'était mes suggestions que j'avais à faire. Beaucoup d'autres à voir, mais je vous invite à aller fouiller sur le site de l'ONF pour plus de suggestions. Merci beaucoup, Audrey Caro, pour ces suggestions. Nous, on va mettre les liens sur le blog, évidemment, pour... vous n'avez pas besoin de prendre des notes à la maison. Nous, on va prendre une courte pause audio et Marie-Fauve Bélanger vient me rejoindre en studio. Alors, c'était un extrait de la pièce Western Arabisant de Sarah Maison. Et j'ai avec moi en studio Marie-Fauve Bélanger. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Marie-Fauve, on va parler de ton exposition dans cette entrevue, mais là, il nous reste quelques minutes avant la pause. Donc, je pense que ça serait une bonne idée peut-être de te présenter aux auditrices, aux auditeurs qui ne te connaissent pas. Tu es une sculpteur. Oui, en fait, je suis artiste en art visuel, mais principalement sculpteur, parce qu'en fait, j'ai suivi une formation en sculpture à l'École des métiers d'art de Québec. Il y a à peu près 2 ans. Et tu as fait le bac en arts visuels et médiatiques à l'Université Laval avant. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir de continuer au DEC en sculpture après? En fait, à l'université, c'est un peu un avant-goût, en fait, de ce qu'on peut faire avec les matériaux en sculpture et tout ça, mais on n'approfondit pas vraiment, en fait, les techniques. Donc, j'ai entendu parler via d'autres personnes, d'autres artistes, que ça valait la peine d'aller sur une formation approfondie à l'École des métiers d'art. Donc, pour en savoir un peu plus sur les matériaux, leurs différentes propriétés, puis la façon d'être sculpté, dans le fond. Oui, c'est ça, c'est un peu plus que t'en sais, plus que tu peux t'amuser. Donc, c'est ça, t'es capable d'imaginer en fait des œuvres en fonction des matériaux puis de leurs limites. Donc, mais quand tu n'es pas au courant des assemblages, de la façon de travailler la sculpture, en fait, on dirait qu'il y a moins de possibilités. Donc, on dirait que là, tu sais, depuis que je peux faire tout moi-même, on dirait que j'ai plus d'idées, mettons. Mm-hmm. Mais quand j'étais au bac, je faisais plus faire mes choses par le technicien. Puis, y a des gens qui travaillent vraiment comme ça dans la vie. Mais moi, j'aime plus toucher pour avoir plus, tu sais, travailler la matière, ça me donne des idées. Donc, si je le fais pas, ça, c'est ça. C'est vraiment, ça m'ouvre plus de portes à faire la technique en sculpture. Ouais. Bon, ben on va parler de ces portes que ça t'a ouvert après la pause avec ton exposition qui a cours en ce moment à la Bibliothèque Gabriel Leroy, Les Erratiques. Et nous, on passe pour une pause publicitaire. Au retour, on continue l'entrevue avec Marie-Fauve Bélanger. CKRL 89.1. Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Du 24 janvier au 3 mars, le 20e Mois Multi vous propose Résistance et Ravissement. Des spectacles, expositions et activités familiales à la fine pointe de la création multidisciplinaire et électronique. Laissez-vous enchanter par les machines bricolées de Fred Lebrasseur, Pascal Leblanc-Lavigne et Mathieu Fecteau. Surprendre par les doubles-doubles de la relève en art visuel. Voyager en famille dans les merveilleuses ondes virtuelles du collectif LAS. La relève au mois multi, des expériences électrisantes. Le mois multi, ça le dit, c'est 6 semaines d'art multi. Audacieux, immersif, inspirant et pour tous les âges. Le mois multi, c'est plus de 30 jours de festivités regroupant 60 artistes de 6 pays, c'est 19 spectacles de performance hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 6 nuits endiablées à la cuisine. The sound goes way back. Prépare-toi, Québec. Le mois multi éveille tes sens du 24 janvier au 3 mars. La science vous inspire, vous intrigue, vous émerveille? Alors Futur Simple est naturellement vôtre. La science vous rebute? Futur Simple est aussi pour vous. Parce qu'à Futur Simple, on ne dévoile pas seulement les découvertes médicales, les préoccupations environnementales et les nouvelles cosmiques. On cultive aussi l'insolite, le surprenant, avec passion et humour. Futur Simple le jeudi, 17h30. À découvrir sur La Fabrique culturelle. Je suis un dessinateur, illustrateur. Ces temps-ci, je fais de la peinture aussi. J'ai fait de la bande dessinée. J'ai fait d'illustration, même commerciale. Je communique les idées avec les images. Fred Jourdain, un talent fou. Je veux continuer à expérimenter puis parfaire ma connaissance de ce langage-là qui est l'illustration de la peinture. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Être travailleur autonome ou propriétaire d'une petite entreprise n'est pas toujours facile. Souvent, on manque de réseau de contact, de motivation ou tout simplement on s'isole dans notre sous-sol sans pouvoir faire avancer comme on le voudrait notre projet. C'est pourquoi nous vous offrons la Station Québec. Il s'agit d'un espace de travail partagé et d'une communauté d'entrepreneurs où vous trouverez tous les services dont vous avez besoin afin de propulser votre entreprise et l'amener à un niveau supérieur. La station offre des espaces de bureaux ouverts ou fermés et plusieurs services aux entrepreneurs. Passez-nous voir au 20 boulevard Charest-Ouest, bureau 102, dans l'édifice Le Caméléon ou téléphonez au 418-525-0139. De retour avec Marie-Fauve Bélanger. Je disais avant la pause que tu exposes en ce moment une exposition qui s'appelle Les Erratiques à la bibliothèque Gabriel Roy, qui présente un nouveau corpus d'œuvres où tu joues un peu entre avec la transparence des matériaux. C'est quand même assez nouveau dans ta pratique, ça? Oui, ben depuis à peu près... en fait, toutes les œuvres qui sont là, ça date de 2 ans à peu près. Mm-hmm. Mais oui, j'attaque beaucoup, beaucoup, beaucoup de plastique, là, mais transparent, pour jouer avec la lumière. Donc, oui, c'est assez nouveau, ça. Donc, de jouer sur le contraste entre l'opacité, la transparence, en quelque sorte? Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, mais c'est aussi la qualité des matériaux, tu sais, où j'utilise aussi un peu de béton, un peu de bois. Fait qu'au travers, tu sais, il y a comme des qualités différentes sur chaque matériau, mais... T'sais, en mettant le plastique au travers, ben là, t'as la lumière qui apparaît en plus, t'sais. Mm-hmm. Donc, la transparence et la lumière aussi. Et le corpus que tu présentes est principalement fait d'une espèce d'ensemble de couches. C'est un peu comme des sédiments, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, Parce que dans ta pratique, tu t'intéresses à différents éléments naturels, mais tu le fais avec des matériaux qui sont artificiels. Ouais, au travers. Tu sais, il y a du bois aussi, puis justement, le béton, ça fait un peu comme de la pierre, là. Mm-hmm. Mais oui, il y a des matériaux de construction au travers, contreplaqué, feuilles d'OSB, du gyps, tout en juxtaposition, en fait, comme des sédiments, justement. Et donc, des réflexions qui vont toucher à la géologie. Donc là, on parle de sédiments, mais si on se tourne vers le titre, les erratiques, est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs, les auditrices qui ne sauraient pas qu'est-ce que ça veut dire, erratique? En fait, les erratiques, ça vient d'une œuvre que j'ai faite au départ. C'est une pierre que j'ai faite en feuille d'OSB. Donc, je m'étais inspirée des blocs erratiques. Les blocs transportés, en fait, des rochers, des énormes rochers qui sont transportés par les glaciers puis qui deviennent un peu intrus dans les milieux où ils se retrouvent, en fait. Il y en a beaucoup d'ailleurs dans le parc d'Agen-Cartier, puis quand on va faire de la marche, justement, il y en a des gros blocs, puis on se rend compte que c'est énorme, puis ça fait pas partie du décor normal. Donc, je me suis un peu inspirée de tout ça. J'ai fait cette grosse roche-là avec des gyps. Puis, étant donné que ça parle de rochers, les blocs erratiques, je me suis dit que c'est un assez bon sujet pour faire une exposition qui parle de roches, justement, de géologie. Donc, j'ai créé des genres de rochers. Chacune de mes œuvres qui sont là, en fait, ça parle de géologie, mais ça parle de la roche. Puis en tant que telles, sont uniques aussi. Mm-hmm. C'est moi qui les ai créées. Donc, c'est pas copié sur la nature, c'est inspiré de la nature, mais c'est nouveau. Et il y a également des sculptures de forme cylindrique. Ça va rappeler un peu les carottes pour aller extraire des extraits du sol. Ouais. Puis il y a différentes sortes de carottes, les carottes de terre, t'as des carottes pour les arbres aussi. T'as différentes sortes de carottes, puis c'est ça, c'est inspiré de tout ça. Donc, on sent que ça pousse, on sent que ça sort du sol. Puis, il y a aussi une mare noire de plastique qui est au sol. Donc, ça fait un peu penser au pétrole. Donc, on peut s'imaginer un paysage un peu... joli, mais en même temps qui inspire un peu la pollution ou dans la nature, ou quelque chose qui sort du sol, mais qui est pollué, mais en même temps quelque chose de joli au travers, donc il y a un contraste, là. Ouais. Oui, puis c'est un procédé aussi que tu utilises dans d'autres œuvres de cette exposition-là, les erratiques, d'avoir de ces coulisses qui viennent instaurer une espèce de contraste aussi dans la matière. Oui, puis dans la forme aussi. Mm-hmm. Parce que en fait, je fais des paysages, mais en tant que tel aussi, il y a certaines œuvres qui sont très abstraites. Ça fait penser à des rochers, mais c'est principalement un jeu de lignes, un jeu de couleurs, puis un jeu de formes. Donc, il y a les formes très droites dans mes collages. Ça, c'est les matériaux qui sont comme collés ensemble. On appelle ça des collages. Donc, puis à la fin, je rajoute souvent une coulisse de résine là, qui a un moment, là, un momentum, en fait. Là, ça dure 3 minutes, le moment où que je prépare la solution puis que je la verse dessus, puis elle se fige. Donc, il y a tout le temps de préparation de cette roche-là qui est longue à faire. Puis le geste de la résine qui a arrêté puis qui est dans le mouvement, là, aussi. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la performance aussi, un peu. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a de ces carottes, il y a de ces blocs erratiques, mais il y a aussi un ensemble d'œuvres qui est quand même assez différent que tu avais exposé aussi à Regard dans l'atelier commun avec une exposition avec Marianne Cloutier qui vont rappeler un peu plus les glaciers, les banquises un peu sur le fleuve. Oui, c'est ça. En fait, c'est cette installation de Gypsy-là, elle est présentée avec le bloc erratique, justement. Puis ça rappelle les glaces. En fait, c'est des feuilles de gypse que j'ai récupérées. Mm-hmm. J'aime beaucoup l'idée de récupération. Je prends jamais des matériaux neufs. Donc, c'est un appel à tout ce que j'ai fait. Donc, il y a plein de couleurs de gypse différents. Puis, je les ai collés ensemble. Donc, ça fait vraiment penser à un paysage de glace. Mais en même temps, on reconnaît principalement que c'est... c'est de la récupération de gypse. Oui, c'est ça, c'est du gypse. On voit bien le contraste. Ouais. On voit bien le matériau sur les arêtes des formes. Ouais. Mais il y a comme tout aussi une espèce de récit qui finit par s'installer à l'intérieur de tout ça parce que on parle des blocs erratiques qui ont été formés par les glaciers à l'époque glaciaire et ces espèces de glaciels. Une poésie aussi, oui. C'est ça qui s'installe. Dans ce que je présente aussi, tu sais, on s'imagine un nouveau paysage. Tu sais, on s'imagine que ces glaces-là ont transporté ce bloc de d'OSB-là, l'espèce de bloc erratique là, qui va avec. Là. Donc oui, il y a une certaine poésie. Puis en plus, quand j'avais fait mon exposition en regard, il y avait des glaces sur le fleuve en plus. Fait que c'était vraiment à propos. Là. Oui, un petit clin d'œil au fleuve. Oui. Et parlant de glace, on peut sortir aussi un peu de ton exposition, Marie-Faure Bélanger. Toi, tu fais beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, là, pas juste des expositions. Ouais. Moi, je suis un petit peu multi. Là. Je suis aussi dans le domaine de la murale, puis je fais du maquillage. Je fais de l'animation pour les jeunes aussi. Puis c'est ça, là, je suis aussi en préparation de... Je travaille pour des artistes en art public aussi, donc je suis un peu dans ces projets-là ces temps-ci. Là. Mm-hmm. J'essaie de m'aligner vers la sculpture, mais grand format aussi. Ah oui, hein? Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, puis en ce moment, c'est ça, j'expose à Gabriel Leroy, mais juste après, je vais être présentée aussi à la Manif d'Or. Donc, j'ai d'autres projets qui s'en viennent pour le printemps. Là. Donc, dans les expositions Jeune commissaire, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec Anne-Sophie Blanchet à la Maison Tessier de la Plante. On va être une gang d'artistes femmes qui vont exposer là. Puis, je vais exposer aussi à Parenthèse. Même chose. Espace un collectif Parenthèse. Oui, Espace Parenthèse. Donc, commissarié par Isabelle Trépanier. Oui, c'est ça, exactement. Un très beau projet que c'est porte ouverte à des jeunes commissaires pour Manif d'art. Ça permet aussi, justement, une multitude d'artistes de Québec de pouvoir exposer dans le cadre de cet événement-là. Et la semaine dernière, je crois, tu étais au Festival de la Banquise à Port. Oui, c'est vrai. J'étais au Festival de la Banquise. Donc ça, c'est vraiment plus le volet médiation de ta pratique. Oui, médiation murale. Là. En mm-hmm. fait, je me dis muraliste. J'ai une compagnie qui s'appelle Graphite Fauve. Puis c'est ça, j'offre des services d'atelier de création. Donc là, c'est un atelier de création sur neige avec de la peinture qui gèle pas. Donc avec de la gouache puis tout ça. Fait que quand j'avais préparé des pochoirs, j'invitais le public à venir faire de la création sur un grand mur de neige lors du festival. Donc tu utilises des matériaux artificiels pour parler, pour évoquer la nature dans ta pratique, mais tu es aussi ancré dans ces vrais matériaux naturels que sont la neige, la glace, de différentes manières. Là. Oui, puis j'ai travaillé aussi depuis au moins 5 ans. Là, c'est la première année que je le fais pas, mais je travaillais aussi pour l'hôtel de glace. Là. Donc, tu prenais part à la conception de cet hôtel de glace. Oui, c'est ça. Fait qu'en fond, moi, j'étais sculpteur parmi les autres. On sculptait des chambres, les bars, puis c'est ça, là, tous les environnements, en fait, de l'hôtel de glace. Là, s'il fallait qu'il y avait un mur vide, là, c'était pas normal. Là, fait qu'on sculpte pas mal tout. Remplir les lieux. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, il y a combien de personnes environ qui travaillent à sculpter cet hôtel de glace? Il y en a quand même beaucoup. Il n'y a pas juste les sculpteurs. Il y a des gens qui s'occupent de l'éclairage. Il y a des gens qui s'occupent de tout ce qui est logistique là, sur place aussi pour le personnel. Il y a l'électricité, il y a les gens qui s'occupent de mettre les murs lisses. On les appelle les anges. Puis c'est ça, après, quand tout est propre puis tout est prêt, ben dans le fond, les sculpteurs embarquent sur les murs propres puis viennent faire de la sculpture selon une thématique. Cette année, c'est les jardins. Donc, l'année passée, c'était le cirque. Mm-hmm. Ouais, c'est très beau. Si j'ai la chance d'y aller, ça vaut vraiment la peine. À chaque fois, c'est un musée différent. C'est comme une exposition différente et un monde différent qui présente, là, unique. Mais merci beaucoup, Marie-Fauve Bélanger, d'être venue nous parler de ta pratique ici en studio. Donc, on n'oublie pas d'aller voir l'exposition jusqu'au 7 février à la Bibliothèque oui. Gabriel Roy et de te suivre également à la Maison Tessier de la Plante et à Espace Parenthèse pendant Manif d'art. Et nous, on se quitte pour une petite pause musicale. Et au retour, Myriam Dufour nous parle de ce qui se passe justement à Espace Parenthèse en ce moment. Merci. Bonsoir, Myriam Dufour. Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est vrai. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Tu es allée voir l'exposition d'Alfia Jonca et Sophie Lauzé à Espace Parenthèse. Oui. C'est une exposition qui s'appelle « Quelque part », mais « Quelque part » au pluriel. Oui. « Quelque part » au pluriel, donc il y a des S aux deux mots. Et c'est une collaboration que les deux jeunes artistes ont faite. Et il n'y a pas de cartel, on ne sait pas c'est qui a fait quoi. Non, c'est ça exactement. Il y a un peu un mystère autour de cette oui. exposition. Et qu'est-ce que tu en as pensé de cette exposition? J'ai vraiment adoré l'exposition. Je trouve que l'ambiance qui s'en dégage, c'est vraiment apaisant. Ça fait du bien d'aller là. Puis en fait, c'est la démarche qui m'a le plus impressionnée, ce que les artistes voulaient faire. D'ailleurs, c'est deux artistes détentrices d'un baccalauréat en arts visuels à l'Université Laval. En fait... Elle voulait créer à distance, elle voulait s'éloigner l'une de l'autre, elle voulait s'éloigner physiquement l'une de l'autre et créer sur des territoires différents pour finalement rejoindre leurs œuvres dans une même exposition. Donc, durant l'été 2018, les artistes sont partis chacune sur une île. Alfia est partie à l'est, aux îles de la Madeleine, et Sophie est partie au nord, à Tête à la Baleine. Puis, comme j'ai dit, voulait créer chacun sur leur territoire respectif en se concentrant sur les paysages, en dialoguant avec le territoire, mais tout le temps en gardant en tête leur complice qui se trouvait à 1693 kilomètres l'une de l'autre. Donc, aussi, quand on rentre dans l'exposition, il y a une petite introduction, un petit texte d'introduction que j'ai trouvé vraiment pertinent puis qui nous met vraiment dans l'ambiance. Avec beaucoup de poésie. Poétique, exactement, qui s'en dégage. Je peux vous le lire, d'ailleurs, je trouve que c'est important. Donc, une discussion avec toi, une discussion avec les paysages, surtout une discussion avec moi-même. Pendant un été, regardez le territoire, toi là-bas, moi ici, ou moi là-bas, toi ici, c'est selon. Regardez le territoire et lui répondre en tentant de deviner ce que, toi, à 1693 km, tu découvres et de quoi tu discutes. Confiance, une correspondance sans mots, dont le langage n'est mis en commun qu'au moment de la mise en espace. Toi, moi, des lieux, juste assez semblables, juste assez différents. Au final, nous ici, vous qui constatez ce qu'on a bien pu tenter de se dire sans se rejoindre. Alphia Jonka et Sophie Lozé. Donc, ça met un peu la table sur ce qui se retrouve dans l'exposition, puis la démarche qui sous-tend ces œuvres-là. Puis c'est intéressant parce que tu parles du fait qu'Alphia était sur les îles de la Madeleine. Il y a quelque chose aussi de très insulaire dans la façon dont elles installent leurs œuvres. Oui, vraiment. Physiquement, les œuvres sont vraiment dispersées l'une de l'autre. C'est assez minimaliste comme façon de présenter les œuvres. Puis c'est un parcours linéaire. Dès qu'on rentre, on va à gauche, puis on suit le parcours assez simple et logique à suivre. Puis, mais comme tu disais tantôt, les œuvres sont pas identifiées, sont pas nommées. Donc, on sait pas quel artiste a fait quelle œuvre, puis on sait pas non plus si c'est un paysage des îles de la Madeleine ou de Tête à la Baleine. Donc, les artistes voulaient vraiment qu'on se concentre sur les moyens qu'ils ont utilisés pour créer sur les territoires différents, puis leur démarche respective. Puis on voit que Alphia, elle tend plus à mettre en relation des matériaux, de matières différentes pour qu'ils se complètent et s'affrontent. Et Sophie, elle, qui est une artiste plus de multimédia, de performance, de vidéo, elle cherche à créer des situations de dualité entre des éléments, puis souvent en réalisant des objets d'échelle humaine. Puis à force, je trouve que de plus en plus on reste dans la salle d'exposition, plus on comprend leur démarche, puis on remarque quelle œuvre appartient à quel artiste. Puis ça, je trouve ça que c'est quand même agréable à faire. On peut rester vraiment longtemps dans la salle, puis il y a tout le temps des choses à découvrir. Oui, parce que beaucoup de ces œuvres sont très, très petites, très, très subtiles, et il faut prendre le temps de regarder comme il faut l'espace pour les différencier des différents éléments également, parce que espace parenthèse, c'est un lieu de passage, c'est un lieu institutionnel, on a des ventilations, on a beaucoup d'éléments comme ça qui viennent rentrer dans l'espace, puis là, les œuvres viennent un peu entrer en compétition avec ces éléments-là. Oui, c'est ça, exactement. Mais aussi, il y a beaucoup de dualité dans l'exposition. Tu sais, il y a deux artistes différents, des démarches différentes, des lieux différents, puis des matériaux différents. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de dualité, mais je trouve qu'il y a quand même une ambiance vraiment de réconfort qui s'en dégage. En fait, on voit qu'on peut observer les paysages. Il y a beaucoup de photographies de paysages, puis ça donne le goût de regarder longtemps puis de s'émerveiller devant ces photographies-là. Puis c'est ça, même s'il y a énormément de dualité, je trouve que les artistes ont réussi à créer une cohésion dans leur... Oui, une cohérence certaine là, dans toute la poésie, puis la mise en place qui est très, très soignée aussi. Puis c'est ça que je trouve impressionnant, parce qu'ils ont travaillé chacune de leur côté, mais ils ont réussi à créer quelque chose de commun qui est tout à fait cohérent. Puis... aussi, c'est très discret, mais parfois, il y a des petits rochers par terre, des petites roches ou même de la terre. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de rajouter ça, parce que ça nous rappelle le territoire. En fait, ça rappelle l'importance du lieu, des lieux, des paysages dans leur démarche. Puis, comme je disais tantôt, c'est le genre d'exposition dans laquelle on veut rester longtemps, puis on veut essayer de découvrir les petits détails qui sont cachés. Puis je recommande vraiment d'aller visiter cette douce exposition qui est remplie de quiétude et de calme. Ça l'apaise beaucoup. Puis je trouve que c'est une exposition qui fait ralentir le temps puis qui nous réchauffe un peu notre hiver avec les beaux paysages des îles de la Madeleine de l'été. Donc je pense que tout le monde mérite d'aller calmer un peu, d'aller se calmer un peu en allant voir cette exposition-là. Donc, un peu comme une séance de méditation. Oui, vraiment. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. Mais merci beaucoup, Myriam Dufour, de nous avoir partagé tes impressions sur l'exposition Quelque part d'Alfia Jonca et Sophie Lauzé. Et c'est présenté à Espace Parenthèse jusqu'à... Jusqu'au 8 février. C'est bon. Jusqu'au 8 février. Donc, on ne manque pas ça. Et nous, on va partir avec une pièce de Jeanne Chéral. Et au retour, ça va être l'agenda de la semaine. Lorsque tu m'as demandé ma main, je ne m'as qu'est. Lorsque tu m'as demandé ma main, je ne m'attendais pas à ça. Lorsque tu m'as demandé ma main, je ne m'as qu'est. Lorsque tu m'as demandé ma main, je ne m'attendais pas à ça. J'ai passé mes jours à te contredire, j'ai passé mes nuits à te regarder dormir, j'ai passé mon temps à te remettre en cause dès l'instant où à mon doigt tu as glissé cet anneau rose. Je t'aime profondément, mais la minime note qui nous reliait avant t'aura fait quitter le camp. Je t'aime sans discuter, je t'aime sans hésiter. J'essayais ça, tu le sais, d'éternellement douter. J'ai voulu être ta femme et j'en étais incapable. Mais j'ai retrouvé ma flamme, elle dormait sous un tas de sable. Lorsque tu m'as demandé ma main, je ne m'as rien. Lorsque tu m'as demandé ma main, je ne m'attendais pas à ça. Lorsque tu m'as demandé ma main, mon petit mari, ex-petit mari, retrouve-moi dans mon lit de jeune fille. Je délie d'un coup la corde à nos coups et redevenons veux-tu de conquêtes inconnues. Sur les marches du palais, j'ai léché l'annulaire pour me libérer de toi et de 48 carats. Sous ma couronne émaillée de fraîches divorcées, je riais effrontément. Alors, de retour à l'aérospatiale pour cette émission qui se termine toujours avec l'agenda de la semaine pour être un peu au courant de tout ce qui se passe dans le domaine des arts visuels à Québec. Et c'est le mois multi qui a commencé la semaine dernière. Donc, on va parler beaucoup des événements du mois multi. D'abord, demain, il va y avoir l'ensemble inachevé de Fred Lebrasseur. C'est à 20h30 à la salle multi de Méduse. Ensuite, le spectacle Le Désert Mauve qui est organisé en collaboration avec le Rhizome, littérature vivante, vendredi à 19h ou samedi à 20h30. Samedi, il va y avoir une rencontre avec Marie-France Tremblay chez Engram. Donc, venez boire le thé avec Marie-France Tremblay de midi à 17h. Il va également y avoir un vernissage ce samedi. Le premier vernissage dans les locaux de la toute nouvelle Galerie A au 17 de la rue Barricade au local 306. C'est Carlos Sainte-Marie qui expose avec l'exposition « L'usage du monde ». Dimanche, une activité jeune public au mois multi, le beatbox à Mamie à partir de midi. Lundi, Et mardi, il va y avoir le spectacle Les chansons chuchotées, un projet de Paul-André Cassidy avec une quinzaine de chanteurs-chanteuses professionnels qui nous murmurent des chansons dans les oreilles. Donc, vous aurez l'occasion de vous prendre des billets, soit pour lundi à 19h ou 21h, ou mardi à 19h ou 21h. Et mardi va débuter l'exposition La Porte du Non-Retour. En fait, c'est une exposition-installation au Théâtre Le Périscope de Philippe Duclos, toujours dans le cadre du Mois Multi. Et mercredi prochain, au MNBAC, il va y avoir la projection du cinéma de la diversité, donc un film de Francine Saillant et Fanny Hénon-Lévy, qui a déjà été chroniqueuse ici à l'émission, qui sont allées à la rencontre des artistes de tous les horizons. Et c'est la dernière semaine pour aller voir l'exposition « Personne n'a sa place ici plus que toi » au lieu du collectif AM. Donc, je termine cette émission en remerciant mes chroniqueuses Audrey Caro et Myriam Dufour et notre invitée Marie-Fauve Bélanger. Merci à Jacques Gignac, le Botticelli de la console. Et merci à Simon Roy pour la découverte musicale. Restez avec nous parce que de l'autre côté de la pause, c'est Pierre Blais et son équipe qui vous attendent pour l'émission Situation critique pour parler cinéma. Et la semaine prochaine, c'est Claire Dumoulin qui va venir faire l'animation. Bonsoir, Claire. Parce que moi, je vais être à Matane. J'ai un projet d'exposition de commissariat. Donc, Claire a accepté de me remplacer à l'animation. Ça me fait plaisir. Et c'est pareil, pareillement partagé. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, c'est la semaine prochaine qu'on retrouve Claire au micro à l'aérospatiale, toujours pour parler des arts visuels à Québec. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Le Mois Multi, ça le dit. C'est 6 semaines d'art multi. Audacieux, immersif, inspirant et pour tous les âges. Le Mois Multi, c'est plus de 30 jours de festivités regroupant 60 artistes de 6 pays, c'est 19 spectacles de performances hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 6 nuits endiablées à la cuisine. The sound goes way back. Prépare-toi, Québec. Le Mois Multi éveille tes sens du 24 janvier au 3 mars. En 2035, un équipage composé uniquement de femmes s'envole pour Mars. À travers leur épopée, on suit le parcours des pionnières de la conquête spatiale et des grandes aventurières de l'histoire qui ont pavé la voie pour des générations de femmes à venir. Nouvelle production du Théâtre Niveau Parking, écrite et mise en scène par Caroline Boucher-Boudreau et Marie-Josée Bastien, Astronette, la longue marche vers les étoiles, est présentée du 12 février au 2 mars au Théâtre Périscope. Pour réservation, 418-529-2183 ou sur pointdevente.com. À découvrir cet hiver au Palais Montcalm, Maison de la musique, la musique festive des Balkans du Lemon Bucket Orchestra le 1er février, les 6 guitaristes exceptionnels du California Guitar Trio et du Montréal Guitar Trio le 14 février, et le spectacle Queens of the Breakers des Bar Brothers, sacré meilleur concert anglophone au dernier gala de la disque, le 20 février. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. L'Orchestre symphonique de Québec présente La douce folie de Haydn et Mozart, où la musique et l'humour se courtiseront. À travers des œuvres aussi variées qu'exquises, le baryton Régis Mengus deviendra un maître de chapelle dans une mise en scène de l'inégalable Jacques Leblanc. Le mercredi 6 février au Palais Montcalm. Hydro-Québec, partenaire de 16 ans. Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Du 24 janvier au 3 mars, le 20e Mois Multi vous propose Résistance et Ravissement. Des spectacles, expositions et activités familiales à la fine pointe de la création multidisciplinaire et électronique. Laissez-vous enchanter par les machines bricolées de Fred Lebrasseur, Pascal Leblanc-Lavigne et Mathieu Fecteau. Surprendre par les doubles-doubles de la relève en art visuel. Voyager en famille dans les merveilleuses ondes virtuelles du collectif LAS. La relève au Mois Multi. Des expériences électrisantes. Oh. Aujourd'hui, à Situation Critique, le nouveau long-métrage de Maxime Giroux, La Grande Noirceur. Un polar qui s'intitule Polar et presque polaire avec Mads Mikkelsen. Le deuxième long-métrage de Geneviève Duluth-Decel intitulé Une colonie. Et le cycle sur Jean-Luc Godard présenté par Antitube.